Sont-ils des geeks? Sont-ils fanboys? Sont-ils des otaku? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés. Animé par Teddy et Fabien. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on. Pour le Wakanda éternel! The revolution will not be televised. Amusons-nous un peu. Nous revenons de la séance de Black Panther, le nouveau film Marvel, réalisé par Ryan Coogler. Donc Ryan Coogler, on le connaît surtout pour avoir réalisé le dernier épisode de Rocky, donc Creed, l'héritage de Rocky Balboa avec Sylvester Stallone, bien évidemment. Au générique, on retrouve Chadwick Boseman, qui avait déjà été présenté dans le Capitaine Civil War, vu que Black Panther était déjà apparu dans ce film-là. Et il est accompagné là de justement de Michael B. Jordan. Alors Michael B. Jordan, il joue aussi dans Creed justement. C'était lui le fils d'Apollo Creed. Et on l'a vu aussi en Johnny Storm dans le dernier film des 4 Fantastiques. Donc c'était lui qui prenait flamme. Un peu moins dans le générique, on aura reconnu aussi Forest Whitaker, qui était Saw Gerrera dans Rogue One et qui l'incarne Zuri, un ami du père de T'Challa. Donc dans ce film, l'histoire c'est l'histoire de T'Challa, donc qui prend les commandes après l'assassinat de son père. C'est un fait relaté dans Captain Civil War en fait, hein. Ils ont retrouvé l'assassin et là il revient au pays et il doit se confronter justement à une espèce de rituel de combat avec un certain M'Baku qui est le chef d'une tribu et qui n'entend pas se laisser dominer par ce chef si il ne montre pas la supériorité de sa force. Oui, moi je vais juste préciser, on va faire en fait une partie no spoil sur le début et une partie spoil à la fin. Oui, donc voilà, alors on va pas spoiler en disant que bah il y a le combat contre M'Baku parce qu'on le voit dans la bande-annonce. Oui. Prise de responsabilité de T'Challa parce que ça c'est ce qui vient juste après Civil War, donc vous êtes censé l'avoir vu. Donc la mort de T'Chaka, bah forcément voilà, c'est pas un spoiler non plus. Là on y voit bien aussi le Wakanda, on en sait un peu plus sur le Wakanda, leur façon de penser, leur façon de vivre et de respecter les traditions tout en étant dans la modernité, ce qui me fait penser un peu au Japon. La non-ingérence là, elle est bien respectée au niveau de ce qui était donné dans les BD juste avant. Ça sera peut-être plus dans la partie spoil. Donc un film visuellement bien réalisé quand même. Il y a quand même quelques passages voilà, où on en prend plein la vue au niveau des paysages, etc. Ouais, bon, je voulais préciser justement pour revenir au trivia un petit peu, c'est que la Panthère Noire est un personnage qui est apparu dans le comics Les 4 Fantastiques, justement. C'était un adversaire des 4 Fantastiques au départ, avant de devenir un allié, et on l'a vu donc dans une publication de juillet 1966. Et c'est évidemment le duo d'enfer Stan Lee Jack Kirby qui l'a créé. Et pour revenir à l'histoire, c'est juste l'ascension de T'Challa au trône avec les divergences, et notamment celle d'Ulysse Klaue. Il y a des scènes avec Ulysse Klaue et surtout Eric Killmonger qui va devenir son principal adversaire. Moi, alors, avis sur Black Panther, un avis très mitigé. Je me suis quand même pas mal ennuyé pendant la projection du film. Comme je disais juste avant, il y a quand même des passages où ils sont graphiquement très bien. Il y en a qui sont moins bien. Il y a du pour, il y a du contre. Moi, je dirais que c'est un Marvel, quoi, en fait. Mais un film neutre Marvel, pas forcément un bon film Marvel. Bah, moi, je suis plus positif que toi, pour une fois. J'ai trouvé que c'était assez divertissant. Je me suis pas ennuyé une seule seconde. Bon, j'aime bien aussi le côté mystique, parce que, bon, il y a les traditions du Wakanda, il y a le spiritisme vis-à-vis de l'esprit de la Panthère Noire. Bon, l'intro en CGI qui était pas trop mal. Même, il y a une belle introduction. Bon, on ne spoilera pas, parce que ça révèle un peu le fil de l'histoire, après. Mais j'ai trouvé qu'au niveau narration, ça fonctionnait pas mal. Au niveau visuel, c'était très soigné. On avait vraiment de très beaux décors, de très beaux costumes, et puis on s'immerge complètement. Et moi, c'est sûr qu'on applique la formule Marvel, mais je trouve aussi que on a quelque chose de différent des autres films Marvel. On n'est plus habitué, on est habitué à des Captain America et des Iron Man, et là on a un film qui est plus entre action, moderniste. Il y a l'espèce de mélange entre l'ancien et la technologie. On a la technologie, mais aussi on a une espèce de vision des traditions qui sont profondément ancrées dans les personnages et la civilisation du Wakanda. Et à ce niveau-là, ils reprennent exactement donc l'univers de la BD, hein, c'était exactement ça. Le Wakanda, c'est un pays qui tient à ses traditions depuis des générations et des générations, mais qui est très techniquement développé. Voilà, c'est de l'extrême technologie, c'est à la limite la même technologie que, je sais pas moi, les Célestes ou les Inhumains, ça me fait penser un peu à ça. Bah, donc voilà, ouais, comme disait Fabien, c'est un pays avec un patchwork de traditions et de modernité. Ça fait penser à certaines parties au Japon, hein, dans leur façon de voir les choses. Par contre, voilà, leur tradition, ils sont respectueux de leur tradition par nécessité, c'est-à-dire que bah, ils veulent pas s'ouvrir au monde de peur d'être envahis à cause du nombre de leurs ressources. Ouais, c'est ça en fait. Et bon, il y a pas mal de cette action. Bon, un peu saluer bon, les cette action qui sont un peu faciles des fois, faut avouer. Est-ce qu'on rentre dans la partie spoiler? Parce que je pense qu'on a fait un peu le tour résumé. Bon, on peut rentrer dans la partie spoiler. Bon alors, moi voilà, tu dis que c'est un film où tu t'es pas ennuyé une seconde Oui. et qui change des autres Marvel. Bon là, je vais pas partager ton avis du tout. C'est clair. Il est exactement sur la même trame que les autres Marvel. On nous présente un personnage, voilà ses pouvoirs, déchéance du personnage et remise à niveau du personnage pour accomplir sa destinée. Voilà, c'est Homecoming, c'était pareil, donc Spider-Man Homecoming. Iron Man 3, pour moi qui était le meilleur Iron Man, c'était pareil, la même chose. Captain America, bah, la même chose aussi. Enfin, moi je commence à manger la même soupe à chaque fois et j'arrive à voir exactement où ils veulent en venir. Après, voilà, forcément, on sait que T'Challa va pas mourir parce qu'on l'a vu dans la bande-annonce Ouais. d'Avengers Infinity War. Donc là, c'est sûr que, bon, voilà, on a un scénario convenu pour moi. On sait exactement où ça va amener. Ouais, quelques surprises, mais franchement, qui méritent pas le détour. Comme tu disais, il y a T'Challa qui meurt, mais on s'attend pas non plus à ce qu'il chute aussi bas, quoi. Bah, j'étais pas surpris parce qu'on spoil tout dans la bande-annonce. On ne sait pas en fait comment il va ressusciter, quoi. C'est ça le truc. Puis il y a aussi la présence des personnages du MCU, quoi, comme Everett Ross, l'agent qui est incarné par Martha Freeman. Bon, il est un peu plus sympathique que dans Civil War, je trouve. Il y a aussi Ulysse Klaue. Alors là, lui, c'est le mec, bah, il meurt un peu comme une merde, quoi, on va dire. Pour ceux qui connaissent Suicide Squad, il meurt comme Slipknot, hein, c'est-à-dire comme une merde, on s'y attend. Bon, moi je m'y attendais quand même. Mais voilà, c'est mal amené, c'est mal présenté. Enfin, la mort de Ulysse Klaue, hein, pas tout le film. Ouais. Et c'est vrai que là, on se dit, ah ouais, ok, d'accord. Et ça sert juste de prétexte pour faire rentrer l'enfant au pays, quoi. Ouais, c'est Killmonger. C'est comme Killmonger le dominant, alors que bon, on va parler aussi du personnage de M'Baku parce que on s'attend quand même que ce soit un gros méchant, et puis finalement, bon, il sort une vanne et puis tout le monde explose de rire, quoi. Bah, M'Baku, c'est un peu le Mordo, hein. C'est-à-dire qu'au début, il tient avec les Wakandais, et après, ouais, je pense qu'il va trahir le Wakanda à un de ces moments, parce que c'est dans la nature de M'Baku. Par contre, faut revenir sur la BD, M'Baku est quelqu'un de très important pour T'Challa, c'est-à-dire que T'Challa a un immense respect pour M'Baku, ce qui n'a pas été représenté dans les dessins animés comme Earth's Mightiest Hero, là on a un M'Baku traître qui n'hésite pas à attaquer... A triché pendant le combat contre T'Challa. Là, voilà, dans les BD, M'Baku, c'est quelqu'un, ouais, comme je dis, très respecté parce qu'il est même invité au mariage de T'Challa et d'Ororo Munro. Donc, voilà, donc M'Baku, là, quand il porte son aide, ouais, c'est assez logique si on suit l'esprit de la BD. Ouais, par contre, c'est le comique relief hein, dans le film. Bah, le problème, c'est ta gueule, c'est magique, quoi. C'est Bah. ce que je me suis dit tout de suite, quoi. Je me suis dit, il a retourné sa capote, et puis, bref, on va pas dire sa capote, on va sa fourrure, quoi. Puis, Non, je suis pas d'accord. M'Baku a un profond respect pour son adversaire. ouais, mais. Et là, ça montre son respect. Il s'est fait battre à la loyale, donc il respecte son adversaire. Ouais, mais non, je te parle de la fin quand il revient pour les Jabari, quoi. Je sais plus comment ils s'appellent, les. Oui, ça c'était couru Oui. d'avance. Non, mais ça, c'est mauvais, quoi. Je veux dire, parce que le gars dit, bah écoute, ouais, tu m'étonnes, t'as besoin d'une armée, tu m'étonnes. Et puis il dit, non, il n'y a pas question. Et puis tout d'un coup, bah, il arrive quand tout va au plus mal. Bon, c'est un peu le Deus ex machina, comme tu dirais. Ouais, voilà, quoi. Mais bon, moi, ce personnage, il passe pour quelqu'un de sympathique, finalement, M'Baku. Bah, c'est vrai que là, il passe pas pour un méchant comme dans les BD, c'est sûr. Là, il passe pour un comique relief, hein, tout simplement. Il est là pour apporter un peu d'humour dans un film un peu sans plomb, quelquefois. Puis bon, c'est vrai que moi, j'ai bien aimé cette histoire de trahison que finalement, T'Chaka avec son frère, tout ça, on voit dans l'introduction. J'ai trouvé que c'était pas trop mal comme scène pour ouvrir le film. Ça redore pas le blason du roi d'ailleurs. Et puis ça fait un peu réfléchir au fait que, bah, comme ils sont pas ouverts au monde, bah, maintenant il faut changer de mentalité. Il faut partager, puis essayer de faire pour que le monde va aller mieux. Bon, ça c'est un peu mièvre comme discours, mais. On a un petit peu ou à l'inverse des Marvel précédents, c'est-à-dire que Civil War était très très sombre, quoi, finalement. On a été dans un, là on est plus en, c'est un film qui est quand même plus lumineux. Bah, c'est pas l'impression que j'ai eue, hein, parce que voilà, T'Challa, c'est lui qui a ouvert le monde au Wakanda. T'Chaka était quelqu'un de très fermé, c'était déjà annoncé avant. Moi, je trouve que ça reste dans l'univers MCU, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui se rend compte que bah, s'il s'ouvre pas aux autres, un peu comme Captain America, hein, qui s'est ouvert aux Avengers après. Voilà, s'il s'ouvre pas aux autres, et ben il pourra pas accomplir sa façon de penser. Ouais, on peut dire comme ça, mais bon, il y a aussi un problème, c'est qu'il y a beaucoup de connexions avec le roi lion, quoi, au niveau scénario, parce que bon, il y a l'histoire de la trahison, de la famille, Ouais, mais ça c'est voilà, c'est des trolls dans mon genre qui disent le. ça sur Internet. Bon, les connexions avec le roi lion, ben, ça fait pas. Elles sont pas flagrantes, mais on les voit quand même. Ouais, mais il y a plein de voilà, il y a plein d'autres connexions avec d'autres films. Faut pas se focaliser là-dessus. C'est parce que c'est des noirs que c'est forcément Non, c'est pas une ça, coalition roi lion. c'est pas ceci-là, ce je pense surtout à la scène mystique où il va revoir son père, et il y a Simba, c'est Simba le petit, Oh, le petit qui c'est voit son Simba. père dans les ciels et qui lui parle, il dit ouais, faut que tu sois un grand roi, tout ça. Bon, cette scène-là, elle fait un peu référence à Lion King. Qui fait d'ailleurs référence au roi Léo, le manga japonais. Ouais. Voilà, c'est Wakanda, c'est l'Afrique, l'Afrique terre des chamans. Les chamans ont une vie après leur vie, donc moi ça me choque pas et ça me fait pas forcément penser au roi lion. Bah moi, ce qui me fait un peu changer que dire que c'est un peu différent des autres Marvel, c'est qu'il y a plus ce côté mystique qu'on avait déjà d'ailleurs dans le Doctor Strange. Et là, on rentre un peu moins dans le côté guerrier, tout ça. Et il y a un côté, bon, y a bien sûr le côté guerrier avec moult effets spéciaux. Et là aussi, je vais revenir sur les divers bagarres en CGI qui m'ont un peu refroidi. Il y a ce côté mystique qui est quand même renforcé. C'est vrai que je sais plus si c'était tellement un personnage mystique, Black Panther. C'était plus un personnage de naturaliste. Black Panther, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler les Atlantes dans le DCU. C'est-à-dire que, par exemple, dans un épisode de Earth's Mightiest Hero, par exemple, voilà, il annonce clairement à Thor et à Tony qu'ils ont tort tous les deux. Parce qu'on a un épisode où Thor prône la magie et où Tony prône la technologie. Et là, T'Challa résume bien ce que le Wakanda pense de tout ça. Il dit à nos deux héros, pour résoudre le problème, au Wakanda, quand la magie et la technologie sont opposées, elles s'unissent pour devenir plus fortes. Et en fait, le Wakanda, non, est un côté mystique, un côté technologique et rejette aucun des deux côtés. Et c'est ce qui fait la force du Wakanda dans la BD. Parce que c'est comme ça que le film nous présente, hein, quand même, finalement. Comme le Docteur Fatalis, en fait, hein, la Ouais, même chose. la magie, la sorcellerie et la technologie. On va revenir un petit peu sur les scènes d'action, parce qu'il y a plusieurs scènes, moi, qui m'ont un peu dérangé, mais bon, même si c'était pas mal réussi, mais il y a l'histoire du casino. Je dirais qu'il y a quand même pas mal de scènes qui font référence à James Bond, surtout quand le roi T'Challa, il va voir sa sœur, qui est un prodigieux savant, et qui lui livre toutes les espèces de gadgets. D'ailleurs, c'est très. Je trouve que la technologie, elle est vraiment du troisième millénaire, quoi, quasiment. C'est super moderne, quoi. Qui construisent des costumes avec des nanites, d'après ce que j'ai compris. Ils ont des simulateurs de vol en 3D. Il n'y a rien qui m'a choqué là-dedans. Ah bon? Ben, si tu prends le costume, ben voilà, ça fait comme le virus Extremis que Tony Stark a manipulé. Donc ça, on va y avoir le droit au prochain Avengers Infinity War. Ouais. Après, si tu prends les véhicules, ben voilà, hein, le Quinjet, voilà, c'est pas non plus une ambulance, quoi. Donc c'est quelque chose de très développé aussi. Et après, si tu prends les autres technologies, les bracelets qui contrôlent les choses, voilà, les nanites, les trucs comme ça, ben Vision il a été créé comme ça aussi, hein, donc. C'est pas quelque chose qui me choque, ça reste dans la continuité de l'univers Marvel qu'on a connu jusque maintenant. Ça fait pas vraiment troisième millénaire, ça fait juste technologie supérieure, voire équivalente à celle de Stark. Ouais, c'est ça qui est un peu bizarre, mais le Quinjet, il faut quand même qu'il pilote aux commandes. Là, ils sont quand même, c'est des commandes virtuelles. Non, parce que Hulk arrive à autopiloter le Quinjet jusque dans Ouais, la mais zone. ça c'est pas prouvé, ça. Ben voilà, c'est pas prouvé, mais l'inverse non plus. On a même pas, il y a un truc qui va pas non plus là. On va faire un petit hors sujet. Hulk, il arrive comment sur sa carte? On a pas eu d'explication. Banner, il fait ah oh, bah je suis arrivé comme ça, je suis tombé du ciel. C'est un peu ridicule, faut quand même l'avouer, quoi. C'est pour te dire que ça se Le pilote tout seul Quinjet, aussi. il va pas dans l'espace, t'es d'accord avec moi? Ah si, le Quinjet, il peut aller dans l'espace, ça dépend alors dans quel univers. Dans l'univers filmique, oui, on le voit pas aller dans Ah l'espace, non. mais on sait très bien qu'il en est capable. Parce que Tony va réparer des satellites dans l'espace lui-même, donc Ouais, mais il va avec son armure aussi. il va avec son armure, mais le Quinjet en est tout à fait capable. Ah bon, ouais, mais ça c'est toi qui dis, mais dans le MCU. Parce que pour mettre Véronica, il n'y a pas été avec une simple armure. Hein. Là, c'est pas Véronica. Ouais, l'espèce de truc là, ouais. Ouais, la Hulkbuster, ça sera plus Ouais, simple. bon, à ma vie, c'est un satellite qui a lancé lui-même, hein, Stark Ah, Industries, hein. toi aussi tu supposes dans ce cas-là. Bah, je suppose parce que j'ai pas vu le Quinjet aller dans l'espace. Donc voilà quoi. Mais si je me base sur le MCU, pour moi le Queen Jet, tu peux pas le commander, tu peux pas le piloter virtuellement. Donc je te dis qu'au niveau de Wakanda, ils ont quand même plus de technologie que Stark pour moi. Mais bon. Ouais, ils sont plus des technologies que Stark parce que ben ils sont nombreux. Bon, Stark est tout seul, s'il aurait une armée de Stark à son service. Voilà, c'est on va reprendre dans l'univers des comics, le Wakanda est supérieur à la technologie de Stark jusqu'à ce que Stark étudie leur technologie. Parce que le Wakanda arrive même à copier la technologie Ant-Man. Ah oui, pour la miniaturisation. En fait, ils miniaturisent pas les êtres vivants, mais ils miniaturisent le vibranium justement pour créer des costumes qui permettent d'être un peu plus fluides qu'une armure. Ouais, enfin là, il y a... Bon, on s'éloigne du... Ah oui, on s'est beaucoup éloigné Ouais, du sujet. donc on va revenir sur, je veux dire, sur l'armure de Panthère Noire. Parce que moi, les tacles, c'est magique quand je reçois plein de balles et puis pour justement me débarrasser de tous ceux qui sont autour, je fais une espèce de déflagration et tout le monde vole et tout le monde dégage. C'est un peu facile quoi comme scène d'action, je trouve. Bah voilà, ça nous a expliqué avant que ça accumule l'énergie cinétique. Les griffes de T'Challa, ça sert pas que à découper le beurre, hein, c'est-à-dire que c'est fait en vibranium. Et bon, c'est parce que tu dois pas trop connaître l'historique du vibranium, ou alors c'est le côté fanboy qui parle là. Mais le vibranium, ça absorbe les ondes soniques, ça absorbe les ondes de choc. D'ailleurs, pour ça que le bouclier de Captain peut pas être détruit. Et pourquoi pas le restituer, c'est pas quelque chose qui me choque. Bon, ça choque pas, mais c'est un peu facile au niveau scénario, je trouve. Ouais, mais enfin, encore une fois, ça reste dans l'univers de la BD Ouais, pour ouais, quelque chose ouais. Bah, qui est surprenant. si tu dis que c'est cohérent, tant mieux. Ça veut dire que tu trouves quand même quelques bonnes choses à dire sur ce film. Mais bon, il y a des scènes d'action qui m'ont un peu dérangé. Parce que, vas-y, que je te balance un souffle de déflagration, puis tout le monde y vole, quoi. Bah, c'est pareil, hein. De toute façon, ils se reçoivent des balles, ils se reçoivent des trucs et tout, ils ont rien. C'est ça aussi, ça me dérange un peu, mais. Mais bon, on est dans l'univers Marvel et peut-être que ça. En tout cas, il y a même des choses qui m'ont dérangé que dans Star Wars 8, on va dire. Après, voilà, faut pas rester non plus sur du fanboyisme pur, faut Ouais. savoir accepter, tolérer des choses qu'ils essayent de faire. En même temps, je pense qu'ils ont aussi voulu upgrader un peu Black Panther pour lui donner une place légitime dans le MCU. Parce que là, au niveau où il est, il combattra jamais un Strange ou un Stark. Hein, C'est sûr. voilà, s'il était dans le premier niveau où il était. Il arrivait à peine à combattre Hawkeye. Donc forcément, voilà, il a fallu upgrader un peu le Black Panther. Je pense que c'est un petit coucou à Infinity War qui va pas tarder à arriver, c'est-à-dire. Voilà, je suis un peu plus costaud. Ce qui expliquerait aussi que Spider-Man a changé de tenue d'ailleurs. Parce que pour devenir Iron Spider dans le prochain d'ailleurs, ça a été confirmé par quelques images que j'ai vues. Après, voilà, ben, c'est il est censé être un roi d'un royaume qui est technologiquement ultra développé. Donc il y a Q, ben, pardon, sa sœur, qui lui donne ses gadgets. Bon, comme dans James Bond, hein, ça c'est une référence. Après, moi, ça me choque pas, autopiloter l'avion par un autre, c'est pas quelque chose qui me gêne, hein, parce que bon. Parce que là, Stark, par exemple, a autopiloté, il y arrive parce qu'il crée de l'intelligence artificielle avec ses espèces d'armures qui se déplacent tout seul. Ouais, je me souviens de la scène de Iron Man 3 quand il récolte tous les gens qui sont au temple de l'avion, Alors moi, je pensais plus là. à la scène d'Avengers en Sokovie où il y a plein de drones à Tony Stark qui. Ah, tu veux dire la Iron Legion? Ouais, l'Iron Ouais. Legion. Donc tu vois, l'autopilotage, pour en revenir, Ouais. c'est bon, c'est déjà intégré dans l'univers Marvel. D'accord. Donc les scènes d'action, ouais, il y en a certaines. Bon, elles sont un peu pénibles à regarder, c'est une espèce de tunnel là, c'est juste pour un prétexte pour. Ouais, ça c'est moche, c'est mal fait en plus. Ouais, c'est juste un prétexte pour dire on peut passer à travers l'armure avec quelque Puis chose. on voit bien que c'est du CGI, hein, les bonhommes, mais bon. Bah heureusement, parce que s'il tue un bonhomme à chaque fois, ça reviendrait cher en personnel. Non, mais je veux dire, il y a des trucs, il y a des CGI qui passent bien, puis il y en a d'autres qui sont pas visuellement très beaux, je trouve. Bah, par exemple, l'aspect soucoupe volante du vaisseau de T'Challa, Ouais. là ça m'a déjà un peu plus gêné quoi. Tu veux dire, quand il passe derrière les nuages, là? Non, non, vraiment l'aspect soucoupe volante quand il atterrit et tout, qui fait pas de bruit. Voilà, il atterrit en pleine ville à la fin, ça fait pas de bruit, il arrive. Enfin, ça m'a un peu plus gêné là, parce que c'est. Oh ouais, en plus c'est un vaisseau qui est invisible. Ouais, un Un vaisseau peu comme invisible. les carrières, quoi, en fait. Ouais, voilà. Donc, ouais, son Batwing, ah oui, il est bien Ouais, invisible. bah Ça justement, m'a fait complètement penser à ça ça. fait Hein. très Batman, hein, Ah, ça au fait début, vachement Batman. quand il est sous le... On croirait qu'il y a le Bat-Signal, quoi, bientôt. C'est vrai que ça fait Bat-Signal quand on voit l'avion dans le Ouais. ciel, dans les brouillards, Bah ouais, etc. c'est nul, ça. Après, les scènes d'action, non, moi, elles m'ont ennuyé. Hein. Voilà, c'est vu, c'est revu, c'est ratavu. Bon, c'est toujours bien de voir que Wakanda, ils ont de la technologie sur eux sans qu'on le voie, hein, comme leur espèce de cap, qu'en fait c'est des boucliers. Ça m'a Ouais. fait penser au bouclier virtuel du Ouais, y Captain contre les a... Super Skrulls. Ouais, c'est vrai que c'était... Visuellement, il y avait quelques créations, je veux dire, je crois, quand même. Ouais, mais voilà, ça reste. Ou alors on a épuisé le sujet Marvel. peut-être tout simplement. Bah, tu sais, au bout de 10 ans, la formule, elle est comme ça, puis ils veulent pas la changer, hein. Bah, moi, pour Strange, ça m'avait plus Ah ouais. enthousiasmé que ce truc-là. Non, mais Strange, de toute façon, à la base, c'est un personnage qui est intéressant et qui est complètement totalement différent et qui dépend pas de la technologie. C'est un personnage qui est complètement mystique. Il n'y a aucune technologie chez lui, hein, en fait. Ouais, moi, je parlais au niveau des effets spéciaux, ils étaient Ouais, tu veux vachement dire, plus prenants, hein. ouais, tu vas dire que les voyages transdimensionnels ou les portails ou. Ouais, ou quand il plie le monde à la Inception, là, Ah ouais, ça c'est c'était pas vachement trop bien. mal, ouais, c'était beau. Ouais, il y avait des très beaux plans dans Doctor Strange. Et là, dans Black Panther, j'ai pas trouvé que les plans étaient spécialement. Ça faisait un peu champ de bataille. J'ai l'impression de voir un champ de bataille sur le Mordor. Y a la scène du casino qui fait aussi très, très James Bond, hein, si t'as remarqué. Ce côté, bon, les girls qui sont à l'étage, qui sont en train de regarder. T'as l'agent Ross et T'Challa qui regarde comme ça. Bah, moi, ça me fait un petit peu penser à un hommage à James Bond, quoi, quelque part. Un hommage, une copie. Bon, moi, Ouais. j'y ai pas vu la référence sur le coup. Hein. J'ai juste vu un prétexte à une bagarre, quoi. C'est tout. Hein. Ouais, que t'es pas trop mal faite, mais bon. Mais il y a la poursuite, ouais, la poursuite avec qu'on a vu au moins 10 000 fois dans les bandes annonces d'ailleurs. Quand le van se retourne et que T'Challa atterrit sur la voiture pilotée par sa sœur. Ouais, alors oui, autopiloté. Donc là, ça fait Fast and Furious Oui, c'est 8. Fast and Furious, ouais. Il manque le coffre-fort qui roule, mais bon. Hein. C'est pas dans le 8. Non, mais donc voilà, un film qui prend des références sur des choses qu'on a déjà vues. Il n'y a pas de surprise dans ce film, je trouve. Ah, moi j'aime bien visuellement, je trouve que c'est beau. Peut-être que c'est l'attrait visuel, c'est le un peu le. J'ai été un petit peu pris par le faste des décors, des costumes et le fait que ça change un peu des Captain America et des Thor et des. Parce que bon, moi l'année dernière, je me suis emmerdé royalement devant Spider-Man Homecoming et les Gardiens de la Galaxie. Et là j'ai retrouvé un petit peu, je me suis dit, ah bah Marvel essaye un peu de renouveler ses codes, mais bon, selon toi non. Selon moi un petit peu, mais sans prise de risque, je veux dire. Non, pour moi, il est du même acabit qu'un Homecoming. Je dis pas que c'est un mauvais film, hein. Je dis juste que ouais, c'est un film standard Marvel, c'est pas un truc qui va rester culte. Non, c'est Il est sûr. bien à voir, il est distrayant, mais c'est tout. Ça va être un peu comme Ant-Man 2, à ton avis. Je pense que Ant-Man 2 va être dans le même acabit aussi, hein. Je m'attends pas à quelque chose de grandiloquent pour Ouais. Ant-Man 2. Bah, faut dire ce qu'il faut, hein. Ant-Man 1 était pas un film grandiloquent non plus, Non, hein. il était pas. Mais il se démarquait un petit peu des autres parce qu'il y avait une dose d'humour, il y avait une histoire de braquage qu'on n'a pas forcément les autres et l'aspect un peu super-héroïque était un peu secondaire, quoi, des fois. Bah oui, puis moi je trouvais ça aussi super bien que ce soit Scott Scott Lang, Lang, ouais. parce que ça fait une continuité colossale, enfin au niveau, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu un Ant-Man, et voilà, c'est un mec qui a décidé de lui prêter le costume. Bon, normalement Scott Lang, il avait chouré le costume, hein, mais bon, ça c'est autre chose, mais voilà, c'est bien de se sortir aussi des BD pour pouvoir créer un univers un peu plus MCU-esque. Scott Lang, il essaye de le dérober, le costume d'ailleurs. Bah non, parce qu'il le rend, le costume. Quand il voit ce que ça fait, il va vite rendre le costume, et c'est là où il se fait arrêter. Ah, c'est vrai, oui, exact. Ouais. Mais normalement, dans les BD, Scott Lang choure le costume pour voler plein de pognon. Donc au début, on se dit, dans les BD, on se dit, mais quel salopard. Et en fait, non, sa fille est gravement malade. Ouais, Mais c'est ça. gravement, gravement. Et il faut plein de pognon. Le problème, c'est qu'après, il s'est associé avec des mauvaises personnes et il ne peut plus s'arrêter. Et c'est d'ailleurs Hank Pym, en devenant le pourpoint jaune, qui sauve Scott Lang. En voyant qu'il a une fille, il part pour le tuer. Et en voyant que c'est pour sauver sa fille, bah, parce que Hank Pym, c'est quand même un beau salopard dans les BD. Hein. Ouais. Ouais. Donc là, en voyant ça, bah, il lui prend un éclair de lucidité et il lui donne sa technologie. Ouais, il paraît qu'il est un petit peu instable psychologiquement, Pim. Il y a même une fois, il donne une tarte à la guêpe. Il a fait bouffer par des fourmis. Ah bon, carrément. Ou Bah, pas bien, jusqu'à la quand mort, il mais. demande le pourpoint jaune, bah, le pourpoint jaune, c'est Yellow Jacket. C'est le vilain du premier, en fait. Et là, ils en ont fait un vilain plus qu'une personnalité dérangée de Ant-Man. Bon, ça fonctionnait pas trop mal. Moi, j'ai bien aimé le trio, tout ça. Le côté humoristique, le côté léger. Ouais, ben là, c'est en plus, c'était super bien de sortir de ce qu'on connaissait. Bon, après, voilà, ça a fait gueuler quelques fans, mais Ouais. quand ça peut servir un film, ouais, faut pas hésiter à sortir de ce que les fans connaissent. Pas au point comme Star Wars 8, hein. Mais sinon, faut pas hésiter à sortir de nos points de référence pour nous bousculer un petit peu. Ça, c'était bien. Après, dans Black Panther, pour en revenir quand même, Ouais. non, c'est du connu, c'est bon, hein, on connaît. Ouais, on connaît. Enfin, toi tu connais, t'as peut-être lu. Toi, tu comme t'as lu pas mal de comics Black Panther, je pense que t'as eu moins de surprises que moi. Bah après, il y a des trucs qui m'ont vraiment pas choqué, mais qui m'ont dit, ah, c'est bien de sortir un petit peu. Comme faire un M'Baku qui est plus, pas ami, mais qui, voilà, qui respecte son adversaire. Ça, j'ai bien aimé, parce que C'est pas plutôt une espèce de... Parce qu'il y a Wakabi aussi, son meilleur ami au début, là. Est-ce qu'ils ont pas pris justement les traits négatifs de M'Baku et ils l'ont mis dans ce personnage-là, tu vois? Si, si, exactement. Bah, c'est bien de nous bousculer un petit peu, Ouais. ça nous permet de pas Donc nous ennuyer trop. M'Baku, ça devient un mec super cool. D'ailleurs, c'est le seul qui fait marrer dans le film. On va pas dire la blague, mais bon, c'était Bah, bien sympathique, quoi. voilà, il y avait une blague sur les vegans bien sympathique, Ouais. et puis ouais, c'est la seule blague du film, hein, à mon avis. Bon, y a un comportement un petit peu léger, hein, M'Baku. Ouais, ça nous change un petit peu des super vilains. Gru, gru, gru, je suis le Ouais. méchant. Parce que Là, moi, ça change un je peu. pensais vraiment que M'Baku, il allait s'allier avec Killmonger, tu sais, faire une alliance et tout, Ah non, pour le moi ça. trône. Non, non, moi l'alliance entre celui qui est déçu de pas avoir qu'on n'a pas ramené Klo et Killmonger, moi je l'ai vu arriver dès qu'il n'a pas ramené Klo et qu'il a fait sa drôle de tête. Je D'accord. me suis dit, bon ok, lui c'est bon, c'est un méchant maintenant. Mais par contre, M'Baku, quand il tombe dans l'eau, là aussi je l'ai vu venir. Je dis, bon, M'Baku va récupérer T'Challa. D'accord. Peut-être parce Ouais. que je connais l'univers. Ouais, c'est ça, à mon avis, t'es plus familier, mais pour un spectateur lambda qui connaît pas le. Parce que Black Panther, c'est pas non plus Iron Man ou Captain America, donc Quand même beaucoup il moins est quand même connu, moins hein. connu, hein. Bon, à part le fait qu'il est devenu l'époux de. Je pense que c'est Storm qui est devenue sa femme, non? Aurora Munro, ouais, Ouais, comme j'ai ouais. dit juste avant. Ouais, Tornade Storm, donc Storm, on rappelle bien sûr, c'est la Storm des X-Men, d'où le rapprochement entre les Black Panther et les X-Men. Moi, je le conseillerais quand même pour un spectateur qui aime bien les films divertissants, bon, pour le profane, je vais dire. Même celui qui connaît, hein, il peut aller le Ouais. voir. Enfin, ouais, je me suis ennuyé, mais ouais, c'était pas non plus un truc horrible à regarder, comme je sais pas moi, comme Cloverfield Paradox ou Cloverfield Ouais. Lane ou des trucs comme ça, où là, je me suis dit, je quitte la salle ou je quitte pas la salle. Là non, on reste jusqu'au bout. Il y a des longueurs. Ouais, ça m'a fait penser à un manga japonais, c'est-à-dire que il y a évolution, déchéance, longueur et résurrection. Ouais, c'est ça, c'est les clés du récit. Non, moi je conseille, je sais pas, on met de notes pour terminer. Bah, si je devais donner une note sur 5, ouais, j'irais quand même à 3 sur 5. Ouais, moi je dirais 3 aussi. C'est bizarre, j'avais 3 aussi. Alors que j'ai plus aimé que toi, tu vois. Bah, comme quoi, on peut aimer un film, après faut le juger à sa juste Bah valeur. ouais, parce que moi j'ai quand même enlevé comme le CGI, le trop-plein de CGI, je dirais. Bon, l'aspect un peu redondant de certains trucs. Bon, ouais, je vais me positionner sur 3, c'est radio pas mal. Voilà, moi 3 aussi, parce que moi j'ai enlevé des points pour cet aspect Luke Cage qui m'a déplu. Ah, Pour, c'était quand même moins sectaire que. ça dépend, frère. C'est un peu moins sectaire, mais ça reste quand même très ancré tradition. Mais là, c'est vrai que dans Black Panther, ça choque moins que dans Luke Cage. Ouais, parce que bon, ils sont en Afrique, donc ils sont en terre quand même. Bon, il y a l'histoire du quartier, mais Non, mais c'est bon. surtout que là, ils sont communautaristes par nécessité, Ouais. c'est-à-dire que c'est pas pour se la péter ou des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai que Luke Cage, c'était quand même Yo Man et machin. Donc voilà, on n'enlève pas les points pour la même raison, mais C'est comme ça. quoi, c'est un film où je pense que vous pourrez vous retrouver. Il y a du bon grain de livret, et en plus, voilà, en fonction de vos personnalités, ce sera ce que quelqu'un a aimé, que vous aurez peut-être pas aimé, et l'inverse. Donc c'est quand même pas mal. Bah, l'important, c'est que vous fassiez une opinion en voyant le film. Je peux vous poser une question. Qu'est-ce que vous savez sur le Wakanda? Merci d'avoir écouté cette pastille jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et aussi partager l'émission pour la faire connaître. À À la la prochaine! prochaine!